Au départ, c'était beau, c'était michto. Moi, je veux ma part pour la mif, pas pour les michto. On en a fait du chemin, ouais, tu savais. Elle est toute proche l'époque où je bicravais. Le temps il passe, j'ai grandi, il me faut ma quiche. La faux, un camo, c'est un commerce pour l'assistant. On en a fait du chemin, ouais, tu savais. Elle est toute proche l'époque où je bicravais. Les plus belles avenues, les plus beaux paysages. Mais avant de décoller, j'ai pensé à l'atterrissage. Et calme-toi ma gueule, j'ai vu ton vrai visage. Tu sais même pas ce que j'envisage. Tu me dis que ça va aller, ça fait de la maille là. Et fais du bien et on va te rendre mal. Tu me dis que ça va aller, ça fait de la maille là. Et fais du bien et on va te rendre mal. Et tout est dans la tête, je fais pas ça pour la gloire. Charbonne, je fais pas la fête, faut rester concentré. Et tout est dans la tête, je fais pas ça pour la gloire. Charbonne, je fais pas la fête, faut rester concentré. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, on s'énerve. Ce que tu te rappelles, avant on s'aimait. Mais y'a rien de grave, tout va béné. Mais tu restes la mif, ça bougera jamais. Et je t'ai donné ma confiance, c'est fini, moi je parle plus. Un peu trop tard, j'ai pris conscience, moi je me suis fait dans la rue. C'est vrai que j'ai fait de la merde, je les ai toutes faites les gardes à vue. En audition, j'ai rien à dire, moi j'ai rien vu, j'prends la détente. J'tombe, j'remonte la pente, lève la tête, sinon ils vont te descendre. Ah ouais, tu veux m'éteindre, pour toi c'est embêtant. T'as vu les mecs comme toi, ça fait monter les ventes. Tu me dis que ça va aller, ça fait de la maille là. Et fais du bien et on va te rendre mal. Tu me dis que ça va aller, ça fait de la maille là. Et fais du bien et on va te rendre mal. Et tout est dans la tête, je fais pas ça pour la gloire. Charbonne, je fais pas la fête, faut rester concentré. Et tout est dans la tête, je fais pas ça pour la gloire. Charbonne, je fais pas la fête, faut rester concentré.